à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Impact Wrestle. On va parler de Turning Point 2012 qui a eu lieu dimanche dernier. Bien évidemment, j'attaque toujours par le petit slogan. Et là, bon, TNA n'a pas trouvé mieux que Aces and Eight. Donc, Aces and Eight. Désolé, j'ai pas Ah, mieux. tu dis pas deux as de 8, tiens. Non, mais là, c'est écrit en anglais, donc sinon j'aurais dit deux as de 8. Et oui, attends, je suis pas bête. Mais tiens, salut Brousty, comment ça va? Ouais, salut tout le monde. Ouais, ça va. Sébastien. Salut, ça va? Putain, Et fait Renaud, chier. salut à Salut toi. les gars, salut à tous. Thank you. Donc, premier Impact de Wrestle pour toi. Ouais, c'est ça, exactement. Et, ouais. Après Et le deuxième premier Sunday. consécutif. Après Sunday Night Wrestles, tu fais Impact Wrestles. La semaine prochaine, tu feras sûrement Sunday Night Wrestles. Ouais, je fais tout. On va pas faire un anniversaire, t'es trop jeune. Ah mince. On verra peut-être. Non mais tu remplaces Vincent, c'est déjà bien. Allez, c'est parti, on va pouvoir. Non, hey, t'as pas oublié Sébastien? Non, je l'ai dit, Non, il a pas Sébastien a dit. oublié. Ah, c'est fait. C'est Sébastien, aussi qui est concentré. Sébastien a déjà dit salut, ça va. Donc tu vois, s'il te plaît. Je sais qui, D'accord. je sais où j'en ai, je sais où j'en suis là, tu vois. Donc me perds pas, s'il te plaît. Donc allez, vive le thème De de Turning Turning Point Point, ouais, avec alors justement, on va passer au jingle et on va passer à l'analyse de Turning Point, messieurs. Allez, c'est parti. Turning Point 2012, et ben voilà, le pay-per-view a eu lieu. Alors, la date exacte, bien évidemment, je me rappelle pas, le 11 novembre 2012, et ça a eu lieu exactement. Que Je crois que ça doit être c'était? Ah à oui. la zone d'Orlando, hein, ouais, c'est ça, Oui, c'est basique, ouais. ce basique jusque-là. Et le est-ce qu'il y a eu un dark match, messieurs? Non, jamais, Non, jamais, alors de non. jamais de dark Rarement. Des fois, lockdown, mais voilà, c'est tout. match, d'accord. Eh bien donc on va de suite attaquer par le vif du sujet, puisque le premier match de ce pay-per-view aura été un No Disqualification Match pour le Television Championship. Ça a duré 12 minutes et 29 secondes, et Samoa Joe a conservé son titre face à son ancien partenaire Magnus. Parole à Renault, tiens, on va le dépuceler d'un pas de Brussels. Ah, Merci. yes, quel plaisir. Ben écoute, j'ai trouvé que c'était un super match. C'était très intéressant. J'ai adoré la construction du match, le rythme. J'ai aimé Samoa Joe surtout. Alors j'avais déjà vu Samoa Joe plusieurs fois. Avec le gabarit qu'il a, le mec, il est juste extraordinaire. Et pour tous ceux qui connaissent pas Samoa Joe, parce qu'il y a que des fans de la WWE qui regardent vraiment pas la TNA. Et ça, je peux te le dire, je peux te l'assurer qu'il y a des gens qui regarde que la WWE et pas la Moi, TNA. moi. Voilà, Et, à ouais, commencer mais par ton amateur. tu connais Samoa Joe, par exemple. Oui, bah oui, de nom, oui. Voilà. Alors De nom, oui. pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas Samoa Joe, franchement, procurez-vous ces matchs parce que c'est Non, c'est ce un mec sait tout phénomène. faire. Et puis en plus, quand on le voit, on n'a pas l'impression quoi. Quand on voit ce gabarit-là, qu'on voit le mec avec son look, on se dit waouh, ouais, il est flasque. Il sait franchement tout faire. J'ai adoré ce match. Magnus, c'est pas mal aussi. J'ai bien aimé. Par contre, No Disqualification Match, bon, à part un petit coup de chaise à un moment donné entre les cordes. Voilà, je veux dire, la stipulation, ça aurait pu être un match simple, hein. Mais voilà, donc bonne première impression, très bon match d'ouverture pour moi. Voilà, Gus. Parole à Vincent. Et ben moi, j'ai pas aimé ce match. Tout d'abord parce que j'ai trouvé que le début était un peu bruit de découpage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de temps de mort. Alors bon, c'est un match sans disqualification, puis il n'y a pas de. À part le coup de chaise, ouais, dans les cordes, il n'y a rien. Et j'ai pas aimé parce que j'ai trouvé qu'en fait Samoa Joe en face c'était presque un jobber quoi, parce qu'à part les deux descentes du coude que Magnus a fait et son coup de chaise là, il a rien fait je trouve. Enfin, après c'est mon avis. Parole à Sébastien pour l'opener. Moi je suis d'accord avec Renaud sur le fait que la stipulation de DQ n'a pas été véritablement exploitée, et c'est d'ailleurs mon seul regret pour ce combat. Parce que la rivalité est plutôt pas mal entre Samoa Joe et Magnus. Ils ont une très bonne alchimie dans le ring. Le combat à Bound for Glory était déjà très bon, mais celui-là est encore surpassé le combat qui avait lieu à Bound for Glory. Donc je suis très satisfait de cet opener, moi. Et Brusty. Bah, un peu de l'avis de Renaud et de Sébastien, pas du tout de celui de Vincent. Que le combat était pas mal du tout, effectivement, très bon opener, il y a beaucoup de rythme. C'était légèrement ce qui manquait lors de leur match à Bound for Glory, qui avait été légèrement plus lent, mais qui était tout aussi bon. C'est vrai que j'adore aussi Samoa Joe. Après Vincent, je sais qu'il y a un truc qui lui plaisait pas, c'est que Magnus se faisait beaucoup dominer, mais enfin bon, moi ça me dérange pas parce que, disons que, bon, il y a un match un peu plus tard dont on parlera, mais ça me dérange moins de voir Samoa Joe dominer que Rob Van Dam par exemple, parce que Samoa Joe, moi je lui confie la conduite de n'importe quel match, il n'y a pas de souci avec ça, donc à partir de là, une bonne qualité, rien à dire. Après, oui, c'est vrai que pas de disqualification, bon, ouais, c'est un petit peu le bac qui blesse, mais. Ouais. Un peu couillon d'avoir mis cette stipule pour rien, mais bon, sinon, un bon opener vraiment qui lance bien les bases, je trouve. Ouais, mais quand je disais que j'aimais pas parce que Joe dominait, c'est parce que j'aime pas Joe. C'est parce que je trouve que Magnus a beaucoup à prouver. Parce qu'avant, à part des matchs par équipe, il a pas fait grand-chose. Et là, pour l'instant, je suis pas encore convaincu de ces matchs. C'est jamais vraiment mauvais, mais c'est jamais non plus vraiment bon. Le truc avec Magnus, c'est qu'il est sur une série incroyable de défaites en pay-per-view, donc c'est difficile de le prendre véritablement en sérieux tant qu'il gagnera pas ses matchs en pay-per-view. Et surtout qu'il était resté invaincu pendant un bon moment, hein, il me semble. Magnus. Non, non, pas tellement, non, non. C'est qui a été resté invaincu pendant bien un Ben, petit moment? celui qui était très reconnu pour une grosse période d'invincibilité, c'est Samoa Joe lors de son arrivée à TNA. Il Il y restait a trop quand même. Magnus aussi, il est resté invaincu un petit moment, Non, non? c'est tu Pas confonds peut-être avec Crimson là. Ah oui, je confonds avec Oui. Crimson, voilà. Ah, il nous manque lui d'ailleurs, non ironique. Et pour être totalement complet sur Magnus et Samoa Joe, j'ajoute qu'il y avait eu un match qui était prévu pour le Impact suivant, mais que Magnus s'est fait attaquer par Ace Austin Ace et donc le match n'a pas eu lieu. D'accord. Voilà. D'accord. Mais écoutez, messieurs, merci. On va pouvoir passer au match suivant, si vous voulez. Ouais. Allez, c'était parti. C'était pour un tag team mixte match qui a duré 5 minutes et 42 secondes. La team Erin Young et Olivier Debenoît battent Tara et Jessa. Pardon. Oui, il fallait que je Olivier la sorte. C'est Debenoît, ODB, forcément. Forcément, c'est ODB. On battu donc Tara et Jesse, c'est le même qui était à la WWE il y a encore quelques temps là. non, pas du tout. Non, non, non, Gus. Oh là là là là, non, non. Jesse Goders, non, non, non, non, c'est un Ah, moi gars j'ai qui fait la Jesse sur ma tête. télé-réalité. Mais Jesse Ah, c'est le Goders. bonhomme, Tu penses de c'est Jesse le. Festus? Non, c'est Oui. la star là, celui qui parle. Oui, c'est la star de l'île qui Alors, est Gus arrivée vient la de semaine montrer dernière. qu'il a bien, qu'il regarde bien la Ah oui, mais TNA. Tu complètement. maîtrises ton sujet, hein. Je sais pas, moi je vois écrit Jesse, écrit pareil. Pour moi, c'est le même de Jesse et Festus. Hein. Ce Je sais n'est pas pas. non plus Jesse sur Lui Arsène. d'ailleurs, mais bon. Bah C'est pas lui. attends, on sait jamais. Hein. Ah. J'adore le rire de Donc ce n'est Bruce. pas Jesse que je pensais, d'accord. Donc oui, je vois Non. c'est lequel, c'est l'espèce de Le gros beau con. gosse, là. Oui, enfin, entre guillemets, Ouais, le le gros con. ouais. De gros con, ouais. C'est l'espèce de con qui est venu embrasser Tara C'est après exactement son ça. match à Bound for Glory. Oui, d'accord. Exactement. Oubli numéro Voilà. 6. Celui qu'on attendait. On attendait Celui qui qui était finalement non. censé être John Morrison. Parce qu'il y Ouais. avait des rumeurs comme quoi, comme qui disait, John Morrison serait Non, bref, ça c'était tombe quoi? bien. Là, pour la liaison, pour commenter le match, c'est remarquable. Parce qu'il a la même qualité de Half-Flyer, il complet et tout, c'est remarquable. Alors, c'est très ironique, là, ce que je Ah dis. ouais. Hein. C'est un mec qui débute à peine, hein, dans le catch, je crois. Hein. D'accord, donc c'est d'accord. Pour Bref, défendre un le peu le match, combat. messieurs, Sébastien. Pour défendre un peu le combat, moi personnellement, j'ai été entre guillemets satisfait quand même par ce qui a été proposé. Parce qu'il faut prendre cette rivalité au second degré, entre guillemets. C'est du comedy wrestling en quelque sorte. Et je pense que de ce point de vue-là, l'objectif atteint a été rempli pour moi. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait du très bon catch, mais à avoir de la comédie. Et de ce côté-là, moi je suis satisfait. Mousti. Bah oui, non, mais c'est sûr, c'est comédie. De toute façon, le personnage d'Eric Young, c'est comédie depuis pas mal de temps. D'ailleurs, au passage, Eric Young, c'est peut-être son dernier match de pay-per-view parce qu'il y a des rumeurs que c'est sa fin à TNA en quelque sorte, là, qui est imminente au passage. C'est triste. Bon, ce que je trouve dommage parce que c'est un talent. Donc, mais la preuve, c'est lui qui apporte les bons moves du match. Donc, à partir de là, d'ailleurs, c'est lui qui conclut aussi. Et voilà, bon. Ça, c'est le positif du match. Le négatif, c'est à peu près tout le reste. Voilà. Parole à Vincent. Pourquoi il devrait partir, le monsieur? Et pourquoi? Très bonne question. Je sais pas, j'ai pas vu l'info précise, mais bon, en gros, allez, est-ce que je spoil ou pas un peu? Bah vas-y, spoil, on est les rois du spoil. Ben, disons que lors de Open Fight Night, ils le font dégager suite à une défaite face à Jesse Goders. Il se fait littéralement défoncer par les Season 8. Donc là, voilà, c'est pratique pour dégager quelqu'un. Oui, c'est un peu comme ils avaient fait dégager qui aussi comme ça par la Nexus? Daniel Bryan? Non. Non, c'était même pas la Nexus, c'était Mark Henry qui avait fait dégager Koslov de la même façon. Oui. Ah, de grands moments, Des oui. grands moments, ouais, de l'année dernière. Effectivement. Et donc Renault pour le second match, quand t'as pas entendu encore. Ouais, j'ai trouvé ça super bof. Donc bon, ok, ouais, c'est un comedy match. Donc moi j'ai beaucoup de mal avec ces matchs-là. Ouais, je sais, je suis pas un mec marrant, mais j'ai eu beaucoup de mal avec ce match. ODB, je la supporte pas. J'ai beaucoup de mal avec cette fille. Enfin, si on peut appeler ça une fille. Et Eric Young, ouais, c'est vrai qu'il a des bonnes prises. J'ai bien aimé sa descente du coude de la troisième corde, mais à part ça, non, franchement, juste derrière Magnus Samoa Joe, non, non, j'ai pas du tout aimé ce match. Voilà pour moi. Auguste, tu peux donner l'avis de Vincent là qui vient. L'avis de Vincent, sinon la rivalité me fait chier, la ceinture knockout est au second plan, sinon pire. Eh ouais. Bah d'ailleurs, il y a très peu de knockout et. Allez, petite nouvelle, on va rebondir. Mais d'ailleurs, c'est déjà passé. C'est les seuls divas du pay-per-view. Hein. Ouais. Seul Ouais, ouais. diva time du pay-per-view. Là, ouais. Mais Mickie James fait un retour gagnant à l'impact qui suit le pay-per-view et qui est déjà passé. Donc, ça, c'est pas un spoiler. Et c'est la prochaine adversaire de Tara. D'accord. D'accord. Pour le plus grand plaisir de Verpa. Tara qui a servi à rien dans ce match, en fait. Ben oui, tout à fait. C'est vrai que ça sert. Hein, c'est vrai. Hein. Ouais. Franchement. Vrai. Allez, je propose qu'on passe au match suivant, messieurs. Ok. Ben ouais, quel est-il? RVD. Alors, Rob Van Dam a battu Joey Ryan, alias le pervers. Dans un match simple pour le X-Division, ça a duré 7 minutes et 4 secondes. Ouais, parole à Brusty, tiens. Justement. Oui, pardon, c'est vrai, mais quand tu dis pervers, oui, c'est sûr qu'il est à gymnique un peu. D'ailleurs, il draguait un petit peu Christy Amy. Là, j'aime bien la caméra là, du réalisateur. Au tout début du match, qui commence par le bas des jambes de Christy Amy, qui remonte. C'est un peu pervers, ça. Hein. Ouais, c'est pas du Ryan, le pervers, c'est le réalisateur. Les deux, on va dire. Non, mais c'est vrai que Joey Ryan, dans son discours d'avant-match, il disait qu'il voulait prendre la ceinture X-Division pour la classe X. Juste. Oh, Rated oui, X. Joli, ouais. Voilà, bon, ça c'était prochainement. Alors, le match, il est un peu moyen. Il est à la main de Rob Van Dam. Et Rob Van Dam, lui, ses rythmes pépère. Enfin, il fait sa séquence classique. Et Joey Ryan, moi, je le connais bon matcheur. Donc, forcément, ça m'a déçu là, de le voir dans le rôle du. Mais sans Matt Morgan, je vois rien, donc ça m'agace un petit peu. Après, bon, on va le voir sans doute rebondir par équipe à M. Morgan, j'imagine, mais voilà. C'est dommage, en solo, il a le profil X-Division et bon, ça n'a pas été montré là. C'est ça que je trouve regrettable. Voilà. Parole à Sébastien. Ben, moi, le combat, je le trouve correct. Après, il n'y a rien qui va ressortir du combat et dont on va se souvenir. Les prochaines semaines, mais j'ai l'impression surtout que le combat à l'image de la rivalité a été plutôt bâclé. Il n'y a pas vraiment de choses solides et je crois que le match a été construit en 2 semaines et après 2 semaines après, on les a plus vus une seule fois à Impact. Donc, oui, d'accord. C'était pas très bien réalisé, je trouve. Et tu t'es ennuyé. Voilà, je n'ai pas apprécié, voilà. Je vais dire l'avis de Vincent. Bah, Vincent, t'as un micro de merde, on n'y est pour rien. Encore un match déséquilibré, on montre ce que Rob Van Dam sait encore faire, c'est-à-dire pas grand-chose. Rivalité qui va continuer vu l'après-match. Non, alors là, justement, je vais contredire. Allez, là aussi, ça se voit que non, c'est moi qui ai rajouté vu l'impact qui suit. Non, mais c'est moi qui ai rajouté, c'est-à-dire pas grand-chose. Ah non, mais rivalité D'accord. qui va continuer, ça c'est Vincent, donc c'est pour ça que je le ah, dis. Oui. Ben là, je dis non, parce que manifestement, il n'a pas vu Impact, ça se voit. Ou alors, oh, mais je me trompe là, en fait, ça c'est encore un spoiler, autant pour moi, j'ai rien dit. Ah, vous aussi. C'est l'Impact de la semaine prochaine, oups là, j'ai rien dit. Mais en gros, faut s'attendre à ce que ça continue pas. Hein. Et donc, parole à Renaud. Ouais, ben écoute, je rejoins totalement Seb et Brusty sur le match. C'est classique, mais à un point terrible. Je veux dire, Rob Van Dam, il fait du Rob Van Dam, mais il fait du Rob Van Dam version le mec qui a beaucoup d'années de catch et qui prend bien son temps. Bon, c'est pas un mauvais match, hein, mais c'est pas digne d'un pay-per-view, quoi. Ça se laisse regarder, mais c'est largement oubliable. Voilà. Ah oui, parce que toi, bon, voilà, comme tu suis la WWE depuis un moment, voilà, tu connais bien Gundam, du coup. Donc là, le revoir par rapport à sa WWE, c'est comment? Si tu voulais faire une comparaison, Ouais, je trouve ça assez choquant, en fait. Enfin, choquant, c'est un gros mot, mais bon, il fait toujours ce qu'il savait faire, mais je sais pas, on dirait que le mec, il est là, il fait son truc, mais il s'en tape complètement. Moi, il n'y a aucune évolution dans son personnage. Ouais, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est totalement construit. C'est pareil, c'est toujours pareil. C'est grave. C'est grave. La phrase. C'est bien, tu nous as apporté une catchphrase, c'est génial, entre merci. Ouais, voilà. Est-ce que tout le monde a donné son avis sur le match pour le X Division? Oui, à part le tien, mais vu que tu l'as pas vu. Oui, moi j'ai pas vu le pay-per-view, hein, donc même pas je donnerai une note. Tu pourras donner des avis à la Kevin, Au résultat. Voilà. Oui, c'était un bon match. Rob Van Damme n'est pas terrible dans un ring, ça se voit. Joey Ryan, c'est un pervers. Voilà, c'est Kevin. Joey Ryan, c'est Julien Doré avec une moustache. Oui, voilà, c'est ça. Je jure. Regarde bien. Oui, j'ai vu, j'ai vu ça lors de. Il a du Pablo Doré. Aussi, Julien Doré. J'en sens rien, je ne veux pas le savoir, perso. Allez, c'est parti, on va pouvoir donc passer au match suivant, un match simple entre Joseph Parks et Doc, alias Luke Gallows. Ouais. Ça a duré 9 minutes et 39 secondes. Et Festus, ouais, justement. Voilà. Bon, il est peut-être membre des Season Nets, c'est qui sait, je sais pas. Ouais, s'il faut, ouais. Et voilà, donc c'est Doc qui a remporté le match en 9 minutes et 39 secondes. Alors, pour faire simple, je vais te dire la réaction de Vincent. C'est un smiley qui vomit et qui a pris qui ravale son vomi. C'est assez dégueulasse pour dire la chose. Berk. Voilà, Berk. Renaud, sur le match. Ouais, c'est tout pourri. Hein. C'est la qualité du match, c'est du brawl. C'est très lent. Et il n'y a rien. Techniquement parlant, c'est très très faible. Alors, à quand le retour de la gimmick de Abyss? Ah oui, parce que je sais pas si tu connais justement Renaud, mais justement, oui, c'est vrai que je sais pas si tu connais Abyss un peu, non? Bien sûr, j'ai déjà vu des combats d'Abyss, mais je trouve ça très choquant en fait. C'est quoi ce truc là? Ils ont fait un changement de personnage. C'est son beau-frère? Terrible! Non, c'est son beau-frère, son frère, en fait, qui est à la recherche de Abyss. Et c'est bien Abyss, c'est ça? Oui, c'est bien Abyss. Oui, mais non, parce qu'il joue sur le vrai nom d'Abyss, qui est Chris Park, donc du coup Joseph Park, et voilà. Ouais. Bon, il joue bien son rôle, hein, du mec qui ne sait pas catcher, style, qui a un peu peur et tout. On voyait qu'il n'était pas bien à l'aise dans un ring, soi-disant. Mais quand tu ne connais pas, que tu n'as pas suivi, que tu passes de Abyss à Joseph Park, c'est très déstabilisant. Ouais, ils veulent construire une histoire en fait, de double personnalité avec Joseph Park d'un côté et Abyss. Ouais, à un moment il se réveille, ouais, il a envie de faire ses prises à la Abyss, en fait, donné, quand il oui, prend voilà. son sang. Ouais. Mais elle se déclenche tout le temps quand il est en sang, enfin quand c'est dans un contexte hardcore, quoi. Ok. Ok. Ouais, bah voilà, sinon le match en lui-même, comme j'ai dit, pour moi, vraiment pas bon. Sébastien. Moi j'aurais au moins enlevé la moitié du temps qui était proposé pour ce combat parce qu'on n'a pas envie de voir 10 minutes de stop contre Joseph Park. Ça n'a pas duré 10 minutes, hein. Ça a duré 9 minutes et 39 secondes, ouais. S'il te plaît. À 21 secondes, bon, d'accord. Surtout sachant que Doc est défini comme étant le bras armé en quelque sorte de Ace in the Night, le voir mettre autant de temps à battre un avocat, c'est pas super pour la crédibilité du groupe. LOL. Ah oui, d'ailleurs, on va rebondir là-dessus, à mon avis, plus tard aussi après. Mais en même temps, un pay-per-view quand même qui est sous le signe des deux as de 8. Et voilà quoi, c'est sûr que là, c'est moyennement crédible. En gros, ça a crédibilisé Joseph Park, c'est ça qui est assez incroyable. Voilà. Qui est arrivé félicité par Bully Ray même. Ouais. Se rappelle d'ailleurs d'un match légendaire entre Bully Ray et Joseph Park il y a quelques petites semaines. Donc voilà, bon, à partir de là, c'est vrai qu'on voit un peu trop le personnage Joseph Park, c'est dommage. Moi, je veux revoir le personnage d'Abyss. Il y a un moment, faut un peu arrêter ça. Non. Mais c'est vrai que le match, pareil que Sébastien, il aurait dû durer deux fois moins. Surtout qu'il n'y a aucune intervention à l'arrivée. Donc, bon. Petite question, qu'est-ce que vous avez pensé de l'attaque de Doc sur Sting avec le marteau à Impact? Story. Pour ceux qui l'ont vu. Ça, c'est une autre manière de mettre, c'est une autre façon de dire que les Season 8 c'est violent, voilà, et que Sting il fait encore une énième pause. Voilà. Ouais, j'ai trouvé ça très bon, moi, visuellement parlant, j'ai trouvé ça très bon, bon impact. J'ai bien aimé cette bien. Attaque. Ouais. D'accord. Oui, ouais. Ouais, mais après, justement. Ouais, moi, j'ai bien aimé, franchement. Hein. Non, oui, mais après, attends, justement. Je vais juste dire quelque chose. Juste, quand même, parce que je vais pas dire grand-chose durant le podcast, alors j'en profite. Il y a des gens qui trouvent ça choquant, mais alors, quand on parle d'imiter une crise cardiaque en plein euro de oui, Jerry Lawler, ça, c'est choquant. Ça n'a pas sa place à la télévision, je suis désolé. Mais en même temps, oui, voilà, Renaud pourra le dire aussi, il y avait un catcheur qui s'appelle Abdullah the Butcher. Oui, voilà. Ouais. C'est pas très joyeux à avoir catché. Hein. Ah non, non, mais non. Lui, il te cuisinait le front, à coup de fourchette. Non, mais bon, ouais, d'ailleurs, après, c'est des avis différents. Mais c'est d'ailleurs le fameux de la WWE, Abdullah the Butcher. Ouais, ouais, c'est Triple H qui le voulait. Qu'il le voulait. Pour le petit aparté, mais ouais, non, mais Doc, de toute façon, il lui faut, bon, déjà, c'est le seul membre démasqué des deux As de 8. Bon, ça va pas compter Divonne, lui est à part. Mais. Il fait pas partie du gang, Divonne ? Ben, si, mais si. Il est, entre guillemets, à part, c'est celui qui les a rejoints, quoi. Il est en train de s'essouffler, déjà, c'est non, c'est pas le chef du tout, non, il y a un vice-président, et puis on n'a jamais vu encore le vrai chef en plus. D'accord. Mais du coup là c'est pas un spoiler, moi je m'en fous, c'était au dernier Impact. Il a dégagé. C'est la semaine prochaine. Non mais ça c'est celui de ça c'est sûr. Mais Doc c'est celui qui dégage les catcheurs à coups de marteau, là il fait pareil avec Magnus et il va faire pareil avec Eric Young. Voilà. Ouais, donc, c'est son arme quoi. Oui, bah, voilà. D'accord. Il aurait dû le faire à Joseph Park et qu'on revoit à Vince. Mais... Oui, bon. Qui n'a pas donné son avis sur le match? Je crois que tout le monde l'a fait. Non, c'est tout. Vincent, il a donné son avis très bref. C'était le bonhomme qui m'a mis. On va pouvoir passer au cinquième match de la soirée pour le premier changement de titre. C'est ça? Non, non. Premier non. Il y a un changement. Ça n'a pas changé. Hein. Non, il n'y a pas eu de changement. Non, bah, excuse-moi alors. Excusez-moi. Si c'est les tag team, c'est une soirée très très stable. Match pour les World Tag Team Championship. Ouais. Chavo Guerrero et Hernandez ont conservé donc leur titre. En battant, c'est le nom d'équipe qui m'a induit en erreur, c'est The World Tag Team Champions of the World. Ah oui. C'est pour ça. Et je me suis dit, tiens, il y a eu changement de titre. Les champions du monde. Oui, mais t'as pas dit que c'était Christopher Daniels et Kazarian, leur adversaire. Oui, oui mais attends, j'ai pas fini. J'allais dire en plus que le match avait duré 11 minutes et 57 secondes et non pas 12 minutes. Parole à Sébastien. Ben, moi, j'ai trouvé le combat correct, encore une fois, mais rien d'exceptionnel, on va dire. L'équipe Hernandez et Chavo, pardon, pour moi, ne fonctionne pas vraiment en tant que face. Je sais pas, je crois que le public ne réagit pas spécialement en leur faveur et j'ai du mal à les voir en top face de la division par équipe. Par contre, l'équipe Kaz Daniels, elle est géniale et j'espère qu'ils vont continuer leur association dans le futur. Donc, dommage qu'ils n'ont pas remporté les titres à ce pay-per-view, mais j'espère que ça va arriver dans les pay-per-view à venir. Ils ont eu les titres pendant un petit moment déjà, donc. Ben justement, là, voilà, là. Alors là, va y avoir. Moi, là, j'aimerais parler d'une incohérence dans la TNA et parfois coutumière. Mais c'est que quand Kazarian et Daniels avaient les titres par équipe, là, qui défendaient avec réussite donc, contre Kurt Angle et AJ Styles, par exemple, ils rentraient avec le thème de Daniels. Et là, à partir du moment où ils ont plus le titre. Ils ont un thème à eux, quoi, une identité d'équipe. Je trouve quand même en dingue. Oh la Renault. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était un bon match. Beaucoup de prises. Encore une fois, j'ai bien aimé le rythme de ce match. Alors contrairement à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, j'ai préféré ce match-là au match qui avait eu lieu à Bound for Glory pour le titre par équipe. Ça peut paraître dingue. Mais j'en attendais tellement en fait. Cillian Varini l'avait dit que ça allait être un match 5 étoiles à Bound for Glory et tout. J'ai vraiment pas trouvé que c'était un match 5 étoiles perso. Donc j'ai bien aimé, ouais, j'ai bien aimé ce tacting match. Par contre, j'ai un peu de mal sur Chavo Guerrero, moi, de plus en plus, dans sa façon de catcher, dans sa façon de vendre les prises. Il n'y a pas trop de charisme, Chavo. C'est... Ouais, puis il peut faire le frog splash à chaque fois, il peut faire le frog splash, c'est pour moi. Oui, c'est dit, c'est la bonne cause. Mais bah, oui, il est prisonnier de ça, il faut à chaque fois qu'il fasse les moves dédiés. Voilà. Ouais, c'est... puis voilà, je sais pas, moi, je commence un peu Chavo, bof bof quoi. Mais sinon, le match en lui-même, j'ai bien aimé. Voilà. Ben non, mais moi je vais revenir sur le match vu que j'en ai pas encore parlé en fait. Ben je rejoins l'avis de Sébastien qui disait que Chavo Hernandez ne dégage pas d'émotion. C'est vrai que ils font bien leur truc, mais voilà quoi. Ouais. Je me rappelle plus leur truc après. Je me rappelle à Bound for Glory quoi, ils gagnent le titre, ça fait un bide au niveau du public. L'ambiance a été retombée à fond. Donc, je sais pas trop. C'est vrai que c'est une équipe honnête, mais de là à les faire diriger la division par équipe, ouais, pas génial, bof. Génial. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, Angus qui répare sa tuyauterie pendant ce temps. Donc, il y a Vincent là, qui a dit que c'était un match correct, rien d'exceptionnel. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans la fédération. Ben oui, aussi, c'est vrai, forcément. De toute façon, on a déjà parlé beaucoup par le passé. Birmanie, c'est fini et mort et enterré. Motor City Machine Gun, forcément, ça n'existe plus. La TNA, ils ont des soucis de tag team aussi, alors ? Mais la WWE, il y a quand même beaucoup d'équipes, c'est juste qu'elle n'arrive pas à les mettre suffisamment en valeur. Oui, voilà, ouais, ils sont en train de remettre un peu ça en place. Mais bon, c'est plus des associations à la base que des vrais teams. Hein. Et oui. Par contre, à la TNA, je suis curieux de savoir qui seront les prochains challengers de Hernandez et de Chavo. Mais justement, écoutez, vous voulez un spoiler ou pas ? Si, c'est le roi des spoilers ce soir, c'est terrible. Oui, vas-y. Ben, disons qu'à l'épisode de Thanksgiving qui est le jeudi 22 novembre, il y a Joey Ryan qui dit qu'avec Matt Morgan, ils sont une équipe puissante, donc ils challenge comme c'est Open Fight Night. Chavo Guerrero, ça finit en DQ, comme Matt Morgan attaque Chavo, et Hernandez se met à la bagarre, donc à mon avis, ça va se faire comme ça. Hein. Surtout que Kaz et Daniel sont occupés avec AJ Styles, donc... Et ça, on le sait du dernier Impact, il y aura un énième match Daniel Styles à Final Resolution. Oh, ils sont toujours bons, les matchs entre Daniel et Styles. Ouais, c'est clair. On va pas s'en plaindre. Ah oui. Alors, messieurs, est-ce que vous avez tout dit sur ce combat-là ? Pour moi, c'est bon. Allez, moi je propose qu'on passe au match suivant. Et là, je vais pleurer. Pourquoi ? Je vais pleurer, je vais dire quelque chose. Le match à 3. Qui me déplaît fortement, c'est nul, c'est naze de faire ça. Hulk Hogan a complètement tué ce bonhomme. C'est un truc de fou. On peut avoir le résultat avant. Un match triple menace pour devenir challenger au World Heavyweight Championship. Ça a duré 16 minutes et 39 secondes. James Storm a battu Bobby Roode et AJ Styles qui a pris le tombé. Celui qui prenait le tombé dimanche dernier. Et était écarté du titre World Heavyweight Championship pendant un an. Et AJ Styles, il mérite pas ça, quoi, bordel de merde. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas été champion à TNA. Ça commence à faire très long pour un mec de cette envergure, quoi. Ça m'énerve. Ça me met en colère, même. Justement, il joue à fond sur la frustration. Hein. On l'a vu à l'impact qui suivait. T'as Hulk Hogan et Dixie Carter qui... Est-ce qu'ils ont fait ça pour mieux le faire remonter après, je l'espère. Mais 3 ans, c'est hyper long. Quoi. 3 ans, c'est hyper long. Mais faire comme ça, je trouve, c'est un peu gros. Là. Faire ce qu'ils font là, actuellement avec lui, ouais, à mon avis, c'est pour le faire remonter. Je vois pas autre chose. Hein. C'est sûr, sans le titre, par contre, c'est sûr, ça c'est très gênant. Mais je comprends pas. C'est quand même le choix judicieux, je pense, de faire perdre AJ dans ce match-là, parce que tu peux pas faire perdre James Storm, qui actuellement, il a un momentum de fou, il enchaîne la victoire, et il est quasiment le top face de la division. Il a tellement enchaîné les victoires que jeudi dernier, il y a encore un match de contender, et il le perd, son match. Hein. Oui, en fait, c'est Bobby Roode qui lui nique la place encore. Oui. Super c'est... utilité de ce match. Quoi. Super. C'est vrai que c'est assez incompréhensible. Ouais. Merci les gars, bravo les bookers. Super. Mais là, on parle du résultat, mais si on parlait vraiment du combat en lui-même, il est énorme. Ah, ça, on est d'accord. Oh, c'est un super talent, combat, ça, super combat. Franchement, un gros triple threat. Gros triple threat match. Et dès le départ, il n'y a pas d'alliance. C'est ça que j'aimais, j'avais peur. Je me suis dit, il va y avoir une alliance peut-être entre le cowboy, James Storm et Bobby Roode. À un moment, ils le font, mais vite fait, ils lèvent les bras ensemble. Mais, ça ne dure pas longtemps. Ouais. Oui. Mais j'ai vraiment aimé le truc que ça soit de suite un triple threat match. Parce qu'à la WWE, tu as deux face, enfin surtout deux heels qui s'associent ensemble et qui vont frapper le face pendant un moment jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fasse le tomber et l'autre, il lui dit, pourquoi tu fais le tomber, moi aussi je veux catcher. Donc bon, après ça part un peu en live, mais là dès le début du match c'est un triple threat match, c'est un super combat avec un rythme de fou. Franchement, j'ai adoré, très bon match. Pour moi, c'est le match de la soirée. Bobby Roode, James Storm et Edge Style, c'est du bon, du très bon. Sébastien, moi, je voulais juste revenir sur la stipulation, déjà, que j'ai trouvé très originale. Je pense que si le combat était proposé simplement comme un number one contenders match, sans l'ajout de la stipulation que comme quoi le perdant serait exclu du titre pendant un an, le match m'aurait clairement moins intéressé. Là, j'étais clairement plus intéressé de savoir qui allait perdre que de savoir qui allait gagner le match. Et après, le match en lui-même débute assez lentement, mais rapidement, l'action devient très bonne. Et finalement, ouais, ça fait un des meilleurs matchs de la soirée également pour moi. Pas le meilleur, mais l'un des meilleurs, le deuxième. Après. Alors, monsieur Vincent dit gros match, j'aurais préféré faire perdre Wood, qui est encore jeune en solo et a mis en long règne. Voilà, c'est pour ça que bah, j'étais en loupé, colère. C'est en, celui plus, qui aura... c'est en plus c'est celui qui sera j'oublie oui. Le nom du futur préparateur de la TNA, on m'en veut pas, je crois bah, que Final Resolution. Final ouais. Resolution, ouais. Faut... Il porte bien son nom, c'est en décembre en même temps, mais, donc c'est la résolution mais, finale. À l'année dernière, on avait eu justement un AJ Styles contre Bobby Roode dans un... c'était quoi déjà, c'était plus dans un Iron Man match d'une demi-heure. Ça avait fini sur un 3-3 de merde. Oh con, je m'en rappelle. C'est la mauvaise période des pépins du TNA. Ouais, mais 2012, c'est vrai, c'est une autre année. Il y a eu, non pas que tout soit réussi, mais voilà, quoi, c'est convenable. Effectivement. Mais après, pour revenir au match, le travail à 3 est très très bon. C'est vrai, gros rythme, c'est pas une surprise. Puis c'est vrai, j'ai bien aimé aussi les petits trucs à un moment, comme vous avez déjà dit. Puis au moment, il y a Bobby Roode qui se place d'un côté de AJ Styles, et puis il y a James Storm de l'autre, et puis Storm qui regarde Roode et dit « Ah merde, c'est toi là pour la souplesse, bon mais tant pis, on l'a fait quand même. » Puis après, ouais, ils ont fait le... Bon, moi j'y ai pas cru, mais c'est vrai que c'était marrant, évidemment, parce que leur jeu, là, de faire leur fameux truc, la Beer Money, mais bon, évidemment, ça allait pas se faire, vu qu'ils se sont foutus ensemble là, le mois dernier, donc c'était ouais. Obligé que ce serait pas le cas. Mais c'est vrai que non, il y a eu ce qu'il fallait. Ouais, à chaque fois, j'ai trouvé bien huilé aussi le truc en général. Il y avait deux mecs sur le ring et puis dès que ça partait au sol, le troisième il arrivait. Je trouvais que c'était bien huilé aussi ce fonctionnement, ma foi. C'est un modèle du genre, je dirais, de ce genre de match à trois. Ouais, je suis d'accord. C'est tout. Tout le monde a parlé, je crois. Oui, c'est bon maintenant, oui. Mais on va pouvoir déjà passer au 7ème match de la soirée, match qui a duré 12 minutes et 36 secondes et non pas 13 minutes. Kurt Angle bat Yvonne, voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Je vais donner la parole à Sébastien. J'aime ce que j'ai envie de dire, c'est une terrible décision, vraiment. Comment tu veux donner de la crédibilité au groupe Aces and Eight en faisant abandonner le leader du groupe? Enfin, ça me paraît être une idée. Attention, non, leader, non. Plutôt le, oui, le leader, en ouais, fait, enfin, le sergent chef. Oui, le plus proche relais de la direction. Voilà. Bon, il ne reste pas moins que c'est un haut placé quand même du groupe. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Et surtout après la victoire tirée par les cheveux de Doc plus tôt dans la soirée, plus cette défaite par abandon en plus. Non, c'est vraiment une terrible soirée pour Aces and Eight. Renaud. Ouais, je rejoins l'avis de Seb concernant Divonne. Après, le match en lui-même, c'était pas un mauvais combat. Bon, c'est difficile aussi de passer derrière le triple threat match comme ça d'un coup. Je pense qu'ils ont mis Divonne et Angle derrière le triple threat parce que c'est deux gars expérimentés, ils se connaissent par cœur les mecs. À la WWE, ils ont déjà catché plusieurs fois l'un contre l'autre. Et c'est peut-être pour ça qu'on les a foutus juste derrière le triple threat, histoire que la foule soit pas trop morte. Parce que les gars savent jouer avec la foule, ils font réagir la foule. C'est pas un mauvais combat. Mais c'est très quelconque, j'ai trouvé quand même. Divonne, à un moment, il se loupe un peu sur un powerbomb. Là. Il y a eu un petit botch, mais ça va, c'est bien passé. Et ouais, il tape trop vite, Divonne, sur la fin. Et puis le groupe, il est tout autour du ring et il sert complètement à rien. Ils sont tous en train de regarder, ils sont tous spectateurs et il se passe rien. Donc voilà, c'est un match qui aurait pu avoir lieu à Impact. Voilà mon avis. Ben ouais, c'est vrai que là, attends Brousty, avant, je vais quand même essayer de revoir Sébastien, de revoir Vincent. On va voir si ça marche. C'est déjà peut-être un peu mieux, c'est un peu mieux. De parler. Un peu, hein. Un peu, merde. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Renaud qui dit que c'est pas un mauvais match, mais c'est un match quelconque. Parce que. Ouais. Puis aussi la fin à la con, là, que Kurt Angle fait soumet. Divonne, il réussit à soumettre, mais après il se casse et les autres n'arrivent pas à l'attraper alors qu'ils sont 10 autour du ring. J'ai pas trop bien compris cette fin. Et puis ouais, le match est pas mauvais. Alors d'ailleurs, sur la power bomb, c'est pas Divonne qui se rate, c'est surtout Kurt Angle qui arrive pas à se remettre ouais, exact, sur les pieds. Exact. Ouais. Bah, j'ai un peu vu le match juste avant le podcast, donc je m'en souviens. Mais ouais, c'est pas mauvais, mais bon. En tout cas, enfin, ce qui est une bonne nouvelle pour Divonne, peut-être pas pour nous, c'est que grâce à cette rivalité, il arrive à avoir des matchs des gros des main eventers quoi, alors qu'avant il était champion de télévision, ce qui n'était pas trop la même place au niveau de la hiérarchie. Ben ouais, non, mais après, je sais pas trop à quoi, à où ils veulent en venir aussi avec Kurt Angle, à vrai dire. C'est lui qui reprend en gros la rivalité avec les Season 8, bon, admettons. À mon avis, il sert juste à matcher. Hein. Enfin, à mon avis, il sera pas tout de suite dans la course au titre. Ouais, non, ouais, ben, c'est sûr qu'en même temps, c'est vrai que ça fait un moment qu'il est hors du titre, mais c'est vrai qu'il va y revenir à un moment, ça c'est garanti, ouais. Bah, ça fait pas Je si l'appelle longtemps que ça. ça. Hein. Il était champion l'année dernière à Bound for Glory, donc ça fait Ouais, un mais la an, quoi. TNA aime beaucoup le faire tourner. Enfin, il y a une époque, à peine il perdait le titre, il revenait, il restait Ouais, de mais toute façon. il a plus le même âge non plus. Hein. De toute façon, il l'a dit Ouais, dans mais une ça interview m'étonne. qu'il lui restait 2 ans. Donc, Justement, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait donné un dernier run de champion à un moment donné, pas ouais, dans les mais médias, mais. pas tout de suite, je pense. Oui, voilà, bon, en 2013, quoi, courant de l'année, à mon avis. Mais sinon, pour le match, bah, c'était de l'expérience pure et dure. Et puis, ouais, je suis d'accord avec Renault, là, à la fin du match, ça me dérange énormément. Puis, comme Ah ouais. Sébastien, je crois aussi, la crédibilité des deux As de 8, là, elle prend un sérieux coup. Parce que c'est vrai que tous les membres là, qui viennent se réunir autour. Bah, j'aurais cru qu'ils auraient joué un rôle de lumberjack, mais même pas. Bon, d'accord, c'est juste pour voir Devon taper à vitesse grand V façon Robbie, quoi. Je trouve incroyable. Et bah voilà, et puis même à l'arrivée, la crédibilité, ça aurait pu être qu'ils attaquent Kurt Angle après le match, mais même pas, parce que Kurt Angle, il arrive à se barrer comme à la parade, quoi. Et puis, eux, ils sont comme des cons, là, sur le ring, d'accord. Bon. Et le pire, c'est que c'est rebelote jeudi à Impact avec un match Kurt Angle et Garrett Bischoff. Déjà, pourquoi Oh. Garrett Bischoff? Ça, c'est l'interrogation de la He's soirée. back, Et Kurt Garrett Angle Bischoff. qui a battu encore un membre de SNZ, donc c'est encore une défaite supplémentaire. Ah bah, bientôt ils vont nous faire une bande-annonce et tout, comme Garrett Bischoff qui va revenir, il va aller en main event et tout. Garrett Bischoff, le main event ce The soir. next of the TNA. Oh stop, hein. Ça The c'est ton best rêve, je sais wrestler in bien. big the thing. best wrestler in the world. Garrett Bischoff back. Oui, bon allez, on arrête de. Bon là, on a assez peu parlé de catch, je trouve, ces tout derniers temps là. Non mais voilà quoi. Tout le monde a parlé sur le Kurt Angle Devon ou Ah ouais, Vincent a parlé donc. Ouais, je pense qu'on a tout dit là. Ouais, je pense qu'on a tout dit, franchement. Pas Pas grand chose à grand-chose à rajouter. rajouter, Non. Sébastien peut-être? Ouais, Non, peut-être. non. Non? Bah écoutez, on va pouvoir passer au main event de cette soirée. Ah. Eh, t'as dit que tu te policerais pour une J'ai fois. dit quelque chose à moi aussi. Je fais une pause avec Jeff Hardy, voilà. J'en reviendrai plus fort que jamais le mois prochain. Promis. Allez, c'est parti. Parole à Ron. Oh, j'ai oublié de dire. Non, dis le résultat, pop pop. Excusez-moi, Je j'ai sais que oublié ça de va te faire dire. mal, mais dis-le. Jeff Hardy a battu. J'ai 121 minutes et une seconde. Pour le TNA World Heavyweight Championship. Un adore match. Une droguée, il a gagné quoi. Ça y est, il l'a dit quand même. Bon, finalement, il n'a pas tenu longtemps. J'ai trouvé que c'était un super combat. J'ai bien aimé, beaucoup bien meilleur qu'à Bound for Glory. J'ai été très déçu de leur combat à Bound for Glory perso. Ah ouais. Ah bon? Ah ouais. Franchement, je t'assure, j'étais très déçu du combat à Bound for Glory entre Austin Aries et Jeff Hardy. Je m'attendais à beaucoup mieux en fait. J'ai trouvé que le rythme il était très lent à Bound for Glory. Après, c'est bien parti vers la fin, mais j'ai trouvé que c'était très lent à mettre en place et très téléphoné de la part de Jeff. Mais là, j'ai bien aimé ce match-là. Bon, c'est pas le meilleur Jeff que j'ai vu en ladder match. Hein. J'en ai vu des bien meilleurs. Mais ouais, j'ai trouvé que le rythme il était très bon. Alors Austin Aries, c'est vraiment pas mal aussi. Hein. Franchement, le mec. En même temps, comment tu veux faire un mauvais match contre Austin Aries? Ah, c'est Dis-toi. ça. Oui, Mais c'est bon, vrai non, franchement, qu'on l'a franchement, fait Jeff, il a juste. été très bon aussi. Hein. Jeff, il a été très bon aussi hein, Ouais. dans ce match-là. Franchement. Eh oui, si, oui, faut le reconnaître, Gus. Ouais. J'ai pas vu le match, je m'en fous. C'est un très bon main event. Franchement, j'ai bien aimé. C'est un bon match. Mais bon, moi, déjà, ça reste Voilà. Bobby Roode contre le Cowboy contre C'était Edge un Styles. bon main event, je suis d'accord, mais bon, j'ai préféré CM Punk Ryback dans la ligne celle, voilà. Pardon. Oh, ça, c'est un troll majeur. Hein. Troll. Oh là là. C'est grave, oui. C'est grave, C'est effectivement. très grave même. Sébastien. Ouais, c'est un excellent combat pour moi. Il y avait des spots assez dingues dans ce combat. La fin de match aussi qui est très sympa avec Austin Aries qui a surélevé la ceinture en fait, alors que Jeff Hardy allait la récupérer. et il a pris un appareil à distance et il a réussi à soulever en fait les ceintures plus haut dans les airs. Ah ouais, Et super. Hardy n'a pas pu les récupérer. Ça, c'est un truc que j'avais jamais vu dans un ladder match. Donc j'ai trouvé ça que c'était plutôt sympa. Ensuite, moi je dirais que ça fait plaisir quand même de voir Hardy impliqué dans deux bons combats consécutifs. Alors que d'habitude, c'est vrai que je te l'accorde, les prestations de Jeff étaient vraiment très très routinières et il sortait pas les doigts du cul en fait, il faisait vraiment le minimum syndical. Après, on pourra toujours dire que Harry porte le C'est combat, bien, ça il c'est commence. vrai. Non mais c'est bien, Jeff Hardy, il commence à retirer ses droits du sac de drogue. Ouais, bah, en finale résolution, tu tiendras vraiment ta promesse alors. Ouais, mais j'y arrive pas, c'est pas possible. Regarde ce C'est plus combat et fort que après je me moi, dirai ton franchement, avis. non, c'est plus fort que moi. C'était un bon sentiment de base, mais non, j'y Mais il a arrive pas. violé qui chez toi, c'est pas possible. T'es Hein? physique, c'est pas possible. Ah non, mais c'est Non, parce depuis que ce Slam. match-là, il est vraiment très bon, hein, je Non, t'assure. mais cherche pas à comprendre, c'est depuis Slam soir, je le suis. Je... Mais J'ai... Ryback, il Voilà, s'est c'est bien comme ça. drogué, quoi. Ryback s'est Mais drogué, t'es pas attends, lui. non, mais attends, il s'est pas foutu de la gueule des fans présents dans le public en arrivant complètement déchiré Bah, il dans s'est un foutu de la gueule des minimum, fans de quoi. l'FCW. Pardon. Voilà quoi. N'importe quoi. Bref, voilà, analyse de Et... Vincent. Ah Ah, oui, vas-y, je croyais que non. Seb il avait pas fini, je crois. C'était super intéressant. Ah oui, bah c'est vrai que les trolls de Gus, en même temps, ils perturbent. Ouais. Non, mais pour finir, t'en étais à sortir les doigts du cul. ouais. Ah, pour finir brièvement, résultat logique, mais qu'adviendra-t-il pour le futur d'Harry? Ça, c'est le point d'interrogation. Ah, alors là, Ça pour ça? Mister Spoiler. Non, la prochaine fois, je. Strikes Ah, again. la prochaine fois, la parole Monsieur à. Spoiler. Parole à Brousty, justement, Mister Spoiler. Oui. Alors la semaine prochaine. La semaine prochaine dans Impact. Garrett Bischoff. Alors bah déjà non. Mais si, oui, si, en plus oui, il perdra au Gotch Challenge, voilà, je le dis. C'est dit. Ah, tu vas chercher, t'as un spoiler gratuit. Bon. Alors, la suite. Ben déjà là à l'Impact qui suit Final Resolution, Turning Point. Il y a un début de romance supposé entre Brooke Hogan et Bully Ray. Ah oui, j'ai vu ça, Ah ça oui, j'ai m'a vu bien ça fait aussi. marrer. Et ben en gros, là, Austinaris, il va y mettre son grain de sel. Voilà. Lol. Eh Tout ben. en disant tout de même qu'il ne lâche pas Jeff Hardy de l'œil. Et Jeff Hardy pense, parce que Jeff Hardy est un grand penseur, qu'Austinaris passe à travers la dimension. Ok. Donc C'est on dynamique, vraiment. partirait sur du Bully Ray contre Scénariz alors. Bon, grosso modo, Et le quoi titre de que, Jeff, il quoi le remet contre qui que. en jeu? Bobby Roode. Ah bah oui, ok, oui, c'est vrai, exact. Oui, alors pour revenir au match, oh, Ouais. bah, excellent, hein, ma foi. Ouais, allez, moi je fais un mix avec Renault, je dirais c'est à égalité avec le Triple Threat, c'est le meilleur match. Voilà. Ok. Parce que c'est vrai qu'il y a les innovations, là, le Jeff Hardy, le grand Jeff Hardy des matchs à l'échelle est là, parce que il avait déjà été utilisé lors de son précédent titre contre Mr. Anderson, c'était un bon match, mais sans plus à l'époque. Alors que là, c'est vrai qu'il confirme ses bonnes dispositions, et puis il se prend de ses bums toujours entre le taré, quoi. Quand il retombe la tête la première, quand il vient se foutre en sandwich au milieu des échelles, ce truc de fou, quoi. Mais non, mais vraiment, ça assure. Et puis Austin Harris, j'avais aucune base de lui sur un match à échelle. Bah, lui, il montre qu'il assure tout le temps. C'est un vrai routier, quoi. C'est un peu lui qui imprime le match. Et puis Hardy suit. Ma foi, grand plaisir et tout ça. Et donc, après, il y a un truc là à la fin. Alors, cette histoire des deux ceintures, là, la ceinture customisée façon Jeff Hardy et la vraie. Moi, je croyais qu'il fallait retirer les deux ceintures, mais manifestement non. Donc, moi, je ne sais pas laquelle des deux ceintures va rester du coup. Là, est-ce que Jeff Hardy est obligé de se trimballer les deux ceintures? Non, je Ou pense est-ce qu'il va pas. faire comme la dernière fois, qu'il va jeter à la poubelle la vraie ceinture et qu'il va garder sa ceinture de Est-ce merde? C'est au choix. que Austin Harris va peut-être la conserver et la récupérer encore un petit peu? Si Austin Harris devient champion, la ceinture de Jeff, version Jeff, elle jarte. Hein. Ah Oui, oui. que ce soit n'importe Comme qui, quand d'ailleurs. les champions. Oui, voilà, comme quand Steve Austin a perdu son titre à la WWF, sa Ou ceinture après, aussi elle a jarté. Hein. comme Edge, comme le Miz. Le Exactement. Miz. Enfin, voilà le Ouais, changement la du W à Miz. l'envers. Hein. Voilà, super innovation. Et d'ailleurs, Il n'y a pour que la revenir sur ceinture le. de Cena qui est restée avec le truc qui tourne. Ouais, mais Cena, Ouais, ça tournait beaucoup. Maintenant, ils l'ont accroché, mais. ça tourne plus, hein, au milieu. Le C'est vrai, mais spinner. c'est resté quelques années quand même, c'est pour ça, ouais. Un petit peu, ouais. Juste pour revenir sur le point que Brusty a soulevé avec l'histoire des deux ceintures. Moi, dès que j'ai vu ça, j'ai eu véritablement une angoisse. Je me suis dit, il ne va quand même pas faire la fin du match avec Harris qui chope un titre et Hardy qui chope l'autre en même temps. J'y pensais aussi. S'il y avait eu ça, je pense que j'aurais fait un scandale. Heureusement, ça n'a pas eu lieu. Ah non, ça aurait été dégueulasse. Fou, toi. Là, moi, j'aurais rien compris. Et, ils auraient fait deux champions match non, entre. Mais c'était la Undisputed TNA Champion, ouais, pourquoi pas. Mais c'était la. Ça aurait été cool, je trouve. Justement, non, je comprends pas pourquoi ils ont mis les deux ceintures. Soit ils mettent les deux ceintures et puis voilà, ils font ce qu'on a dit pour la suite, pour qu'il y ait une suite. Soit ils en mettent qu'une de ceinture et puis bon, voilà, le champion il la décroche. Et... Je sais pas pourquoi ils ont mis les deux ceintures comme ça. Bah, moi, je trouve que ça aurait été cool. Après, c'est mon avis personnel. Ça aurait été cool. Moi, je te rejoins aussi. Ça aurait été cool si les bookers. Je pense que ça détruit le combat carrément si tu fais ça. Ah non, justement, ça fait quelque chose dont on va se souvenir, du coup. Je pense surtout que ça perdure une feud qui peut continuer au prochain pay-per-view. Non, mais de toute façon, fait... là, c'était si, c'est pas arrivé. Donc bon. Moi, je trouve que ça fait une fin dont on se souvient, mais pas pour les bonnes raisons. Quoi. C'est comme le match dont parlait Gus l'année dernière entre Roode et Styles en Iron Man. Il y a une fin un petit peu spéciale, mais c'est pas spécial dans le bon sens du terme. Quoi. Ça fait une fin, pour moi, ça aurait été fini comme ça. Ça serait fini comme ça, pardon. Ça aurait fait une fin mode de TNA 2010, quoi. Clairement, oui. C'est sûr. Non, mais puis on peut se satisfaire que la TNA, au moins, depuis quelques pay-per-view, là, il me semble que c'est le cas aussi. Là, il n'y a pas de fin à la con, quoi. C'est un tombé clean, quoi. Donc, ou un décrochage clean. Décrochage sur clean. Ah, avec une échelle renforcée, enfin, la TNA a de bonnes échelles parce que jusque-là, c'est des échelles noires. Je sais pas d'où ils achètent. Et Vincent, dans l'enregistrement pour Instant Catch, que vous pouvez retrouver donc l'épisode où on commente ce match-là sur Dailymotion, on se demandait où ils avaient acheté ces échelles noires, parce qu'à chaque fois, c'est vrai que ça tient pas, là. La forfouille. On tout cassé les unes après les autres, quoi, les échelles noires. À Ikea. On est obligé de citer Conforama et Alinéa. Ah oui, trois marques, oui. Non, voilà, c'est tout. Bon, c'était pour le petit détail bricolage. Hein. Voilà, merci Brusty. Bon, mais messieurs, on a tout dit sur Banford Glory, Turning Point. Vincent, peut-être qu'il n'a pas tout dit, non? J'ai juste dit que c'était pas une bonne fin s'ils auraient fait avec une deux. Non, mais sinon, le match en lui-même, tu l'as apprécié? Oui, j'ai trouvé le match très bon. Renault animateur, ok. Et oh, je peux dire mon avis quand même sur le match, non? Enfin, bref. Oui, vas-y. Non, j'ai trouvé le match du même niveau que Bound for Glory, c'est-à-dire très bon. D'ailleurs, il y a de très bons spots, que ce soit les deux grosses chutes de Hardy ou bien même le Twist of Fate dans le coin, là, sur l'échelle. C'est de très beaux spots. Il y a de l'innovation. Et moi, ouais, c'est ce que je me demande aussi, qu'est-ce que va devenir Aries. Apparemment, il y a une rivalité toute pourrie qui l'attend. Pouliré qui veut se faire la camionneuse et Alice qui s'en mêle. Ouais, mais il y a aussi Hulk Hogan, alors je sais pas comment ça se dépatouille. En sextape. Pardon. Bonne vanne, j'ai apprécié. Ouais, non, mais sinon j'ai bien apprécié le match. Je trouve qu'il était. Alors, peut-être que oui, le début était un petit peu. Ils ont un petit peu eu du mal à démarrer, mais en même temps, bon. Ça, le reste a rattrapé, quoi. Merci Vincent pour cette analyse pertinente. En plus, j'ai fardé et même aller dire bonjour à Hans Wagel au passage. Alors. Un moment. Je n'ai pas sous ring là, Hans Wagel. Je t'ai trompé de ring. Non, mais, ouais, mais, non, mais Hans Wagel, il habite sous tous les rings, donc. Bon. Il habite même sous le ring de la vraie Sing Star. Ça, je sais pas. T'as dit qu'il habite. C'était quoi ce bruit? Ouais. C'est quoi ce truc? Je suis pas fou, j'ai entendu un truc. Moi aussi j'ai entendu un truc. Ah oui, Sébastien, qu'est-ce que t'as fait? Vous avez des voix dans votre tête? Oh non, c'est toi. Non. Oui, c'est toi. Et voilà. On est comme Randy Orton, on a des voix dans la tête maintenant. Sébastien est allé voir la sextape de Hulk Hogan, je crois. Pour ça fait point, point, point, point. On va pouvoir passer aux notes maintenant. Oui. Les notes de Turning Point, messieurs. Alors, qui c'est qui peut faire la moyenne, s'il vous plaît, que j'ai pas de moyen de calculer. C'est bon. Merci Sébastien. Merci Vincent. Putain, je te comprends avec Sébastien depuis tout à l'heure. Eh oh, je suis pas allemand, moi. C'est pas un kidnappeur. Désolé. Bref, on va régler ça hors antenne après. Ça part en vrai, t'as aller. Dans ta région aussi. Voilà. Bon bref, Renaud, ta note pour les sérieux. Je vais mettre sur 10, c'est ça? Ouais. 7,5. Ouf. 7,5. Ouais, 7,5 pour le Magnus Samoa Joe, j'ai vraiment adoré. J'ai bien aimé le match par équipe, pour les titres par équipe. J'ai adoré le Triple Threat, qui est pour moi le meilleur combat de la soirée. Et très bon main event entre Cinaris et Jeff Hardy. Donc ouais, 7,5, bon pay-per-view. Sébastien, le kidnapper. Alors moi, je dirais que c'est un bon pay-per-view dans la lignée des pay-per-view 2012 TNA, avec un bon opener, un très bon main event, le combat à 3 qui est aussi solide. En revanche, vu que le groupe et Season 8, ça a été totalement décrédibilisé, ma note va être un peu moins bonne. Pas décrédibilisé, décrédibilisé, je vois. Voilà, t'as réussi. Alors, moi, je mettrais un 7. Boosty. Moi, je mettrais 6,5. Voilà. Ça descend petit à petit. Ça paraît la note. Non, mais c'est pas une mauvaise note en soi. Vous savez quoi, et Vincent va mettre 6. Ça, bah, même pas. On verra, mais il a moins bien apprécié que moi. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Non, mais bon, moi, je fais la balance. C'est Bound for Glory. Bon, mais Bound for Glory, c'est le grand pay-per-view de la TNA en même temps, c'est sûr. Mais Turning Point, bon, moi je baisse un peu la note pour les quelques petits temps morts et puis la décrédibilisation totale des deux As de 8, voilà, c'est ça. Mais après, oui, je rejoins les quatre matchs phares que Renault a retenu, voilà, ça a bien assuré, donc à partir de là. Bon, 6,5 pour moi c'est une bonne note, hein, parce que c'est assez sévère, moi, niveau note. Hein. Et Vincent? Moi je vais me forcer à mettre la moyenne. Alors, je vais expliquer pourquoi. Oh, parce le troller. Que... 5. Non. Oui, je vais mettre 5. Parce que. Parce que je trouve que, au niveau des rivalités, il n'y a que les matchs qui tournent autour de la. De... Ah, ouais, mais toi, c'est ta ceinture. Spécialité. Tu juges toujours le contexte des matchs, mais pas les matchs en eux-mêmes. Vincent, bah, en fait, ce qui juge surtout, c'est pas la qualité des matchs, mais c'est le build-up, j'ai l'impression. Non, bah non, parce que série, ça va être joli au passage. Hein. Bah non, mais parce que au niveau des matchs, j'ai apprécié le match de l'échelle, j'ai apprécié le match à 3, puis le match par équipe pour les ceintures était pas mal. Je coupe mitier Sébastien, la semaine prochaine. Non, c'est Vincent. C'est terrible ça. C'est terrible, c'est grave. C'est grave. oui, c'est grave d'ailleurs. Oui, je disais la semaine prochaine, on va faire les séries avec Vincent, logiquement. Et vous allez voir que Vincent va noter le pay-per-view 2 parce que le build-up était complètement pourri. Non, mais au niveau des matchs. Non, mais les matchs eux-mêmes, quand même. Bah, ouais, attends, on a eu un truc pourri avec les meufs, là. Ah, mais c'est vrai, toi, t'as détesté l'opener. Oui, j'ai pas détesté, j'ai trouvé pas terrible. Après, le match avec Rambondam, tu peux pas dire qu'il est excellent. Et le match avec Engel non plus. Donc après, et puis je sais pas, au niveau des rivalités, c'est pas bien amené. Et je suis désolé, le catch, c'est à moitié du sport et à moitié du divertissement. Et quand le divertissement y est pas, bah forcément, il manque un truc. Donc pour moi, ça vaut la moyenne, tout juste. Ouais, quoi. Attends, le Nianiam style, à un moment là, Gangnam style. Oui, mais attends. Le Gangbang style. Oui. Tu as vu Hell in the Cell, Vince? Tu l'as vu? Le pay-per-view? Oui. Tu as mis combien pas là, soir, tu aurais mis quoi comme note? Ah, je sais plus, mais je sais que j'avais pas trop aimé. Ouais. Oui, d'ailleurs, je me rappelle sur Instant Catch, on avait commenté deux matchs bien pourris. J'avais commenté Ryback et. Antonio Cesaro contre. C'est ça, oui. Au moins, on fait de la promo, même si c'est pas la meilleure promo. Mais... D'ailleurs, pourquoi vous avez pris ce combat? Parce que c'était le pire de la soirée pour moi, en fait. Bon, alors Vincent, lui, c'est parce qu'il avait vu de bonnes reviews là, de Cesaro Gabriel, voilà. Ah, on lit pas les mêmes sites. Faut arrêter la bière, c'est tout. Bref, alors, quelle est la moyenne? Ah oui, Gus, au niveau des résultats. Ouais, moi, je note pas. Ah bah la note à la Kevin, même pas. Bon. Alors, ma note, vu des résultats, je vais mettre 2. Ah, Jeff Hardy qui prend le titre. Non, je suis pas d'accord. Il n'y a pas eu de changement de titre non plus. Le nom de team de Kazarian et Daniels m'a fait tromper. The World Tag Team Champion of the World, c'est faux. Donc deux encore. Non, non, non. Les 6 et 9 qui sont décrédibilisés. Deux aussi. Oui, bon, deux. Voilà, deux, deux, deux. Ah oui, d'ailleurs, pour revenir sur le nom du pay-per-view en lui-même, Turning Point, c'est quand même. Point tournant. Voilà. Oui. Oui, littéralement. D'accord. Oui, oui. Bah, c'est bien. Ouais, mais justement, il n'y a eu aucun changement. Mais bon, ça a fini des rivalités, c'est ça le truc du point tournant. Mais niveau Season X, ce point tournant, il est en vrille. Hein. Effectivement. Enfin, on verra la résolution finale. Hein. Bon, alors Vincent, la note. 6,5. Ah bah c'est la mienne, hein. Bah, ça tombe bien, j'étais dans la bonne moyenne alors. Voilà. Vresseuse Radio approuve le pay-per-view quand même. Ah bah oui, mais avec, mais avec modération quand même. Hein. Oh bah, deux de suite, trois, oui, deux de suite, pas mal, parce que le No Surrender, il était moche. Ouh là là là. Si on peut bon, faire une petite promo pour nos amis Célian Varini et Greg 10, le pay-per-view sera diffusé. Voilà. Non, dimanche. Quand? C'est dimanche, hein? C'est dimanche, je suis sûr de toi. Ah, j'ai vu la pub aujourd'hui, voilà, Sébastien, il y a des redis, ça sera dimanche prochain, alors. Moi j'avais entendu mercredi en fait à Impact qui a été diffusé sur ma chaîne. Alors attendez, les gars, je vais vous demander de meubler 30 secondes, je vais vérifier. Oui, il va sur le site de Programme TV, oui. Voilà, compris. Bon, mais en gros, quel match vous attendez, à quoi vous attendez pour finale résolution en attendant? À rien. Avec un Jeff Hardy contre Bobby Roode, un AJ Styles contre Daniels. Alors. Ben, Bully Ray contre Austin Aries, moi ça m'intéresse personnellement. S'il y a ce combat, je prends. Pareil, je prends. À voir. Surtout que c'est dans une typologie ou typographie. Ou, ouais, je sais plus trop. Ouais, voilà. Ouais, c'est inverse. Parce qu'il y a, quelques pay-per-view de cela, il y avait eu Austin Aries face contre Bully Ray Hill. Ouais, c'était avant que Aries soit champion. Et là, on aura l'inverse, parce que Austin Aries, il nous fait un heel presque façon punk, là, qui demande du respect, et vous lirez, c'est devenu un peu... De toute façon, Austin Aries, c'est punk, hein, de toute façon, donc... La différence, que lui, il fuit pas comme une fiotte, quoi, voilà. Et puis qu'il affronte pas des adversaires au niveau assez douteux, quoi. Va te faire retater l'arrêt, une défaite. Non, mais beaucoup ont été déçus par Ryback. Espérant qu'il n'y ait pas Brooke Hogan qui soit trop dans la merde. Moi, je ne suis pas déçu, mais attends, tout le monde le savait que Ryback, ça allait être comme ça. Enfin bref, on en reparlera jeudi, mais... Oui, c'est un teaser. C'est pas non plus scandaleux. Hein. On savait. Il n'y a pas de... Ah oui, c'est sûr, quand tu vois le physique de Ryback, tu ne vas pas t'attendre à ce qu'il fasse un salto de la troisième corde, le mec. Hein. Ça, c'est clair. Pourquoi pas. Ouais. C'est pas WWE 13 où R-Truth, il te fait des 450 splash. Hein. Ouais, voilà. Voilà, enfin, voilà, tout ça vous le saurez à Sunday Night Wrestles. Bon, sinon, là, t'as vu quand sera diffusé alors Turning Point? Non, je suis en train de chercher encore. Sur MCS, ah ben alors. 30 secondes. Oui, non, petite information aussi pour meubler, le dernier Impact a eu la meilleure audience depuis août. Et pourtant, c'était pas un show en live. C'est remarquable. C'est remarquable parce que, oui, c'est très surprenant. Parce que peut-être que le fait que les gens ils savent en avance, c'est plus efficace que le direct, mine de rien, parce que tu pourras le dire toi-même, je pense, que tu as remarqué que ça s'est soufflé énormément au fur et à mesure des directs, notamment la route vers Bound for Glory qui était catastrophique au niveau des ratings, qui était toujours 0,8, quelque chose comme ça même, 0,7. C'est faible, quoi. C'est grave. Deux semaines de suite qui passent la barre des 1. 1.0, donc... Et bon, là, c'est moins grave, oui, parce que, bon, le show que j'ai à moitié spoilé, il est déjà connu, vu que j'ai spoilé, donc... Mais après, on aura un retour en direct, quand même, en décembre. Après, je sais pas, c'est prévu jusqu'à la fin de l'année, donc à voir si ça continue. Après, il y aura les shows en Angleterre aussi, qui seront diffusés d'un coup. Là, tu disais, Sébastien, je crois... Ce sera un mois d'impact qui sera enregistré en Angleterre. En fait, il y aura deux shows à Manchester et deux shows à Londres. Ah oui, le même jour. Voilà, deux shows. Les shows seront enregistrés en 48 heures. En fait, les quatre émissions seront enregistrées. Ouais, c'est chaud ça, niveau. Même si il y aura la grosse ambiance, comme on avait vu l'année dernière, évidemment, de toute façon, c'est Angleterre. Hein. L'Angleterre aime beaucoup la TNA aussi, donc. Mais c'est chaud quand même, c'est exigeant. Hein. Ça rappelle que Mark Hoskins, par exemple, il s'en est jamais remis de ce fait-là, ah, d'ailleurs, d'avoir disputé un match. Hein. C'est vrai. On verra bien, je ne souhaite pas l'accident, mais bon, c'est chaud quand même, et d'enregistrer deux shows d'une heure et demie le même jour, wow. Surtout que c'est les mêmes mecs qui vont tourner quand même un peu. Hein. Sébastien, tu peux me rappeler le rating, s'il te plaît, j'ai pas entendu. 1.07. Ça fait combien, ça, à peu près C'était 1,4 million, à peu près. D'accord. Oui, après, oui, voilà, c'est pas mal parce que bon, sachant que la TNA bon, est sur Spike TV qui est une chaîne câblée, donc à partir de là, forcément, pas accessible au grand nombre comme Rock qui est sur SNL. Malheureusement, pas le programme de dimanche soir. Le programme de Match & Sport s'arrête à 18h30 et c'est du catch, c'est la rediffusion d'Impact. Bon, mais en tout cas, voilà, moi, je veux pas dire de bêtises, mais franchement, j'avais entendu la pub. Ouais, bah, abonne-toi à notre programme télé là parce que. Mais bon, voilà. Je vais quand même vérifier pour mardi au cas où, mais il n'y a rien. Et bah finalement, je voulais leur faire de la pub. Attendez les gars. C'était peut-être dimanche, mais ce dimanche-là, mais demain. Oui, voilà. Ah oui, donc bon, alors, demain, il sera demain, passé quand le podcast sera sorti. Donc on ne fera pas de pub pour Célian et... Ben bravo pour avoir commenté Turning Point sur Match & Sport. De toute façon, non, mais il faut pas chercher à comprendre. Le dimanche, pour Match & Sport, ça s'arrête à 16h45, là, cette fois-ci, du volet. Donc, donc je vois pas sur le site ce qu'il y a, malheureusement. Mais bon, ça d'accord. Doit être demain, hein, parce que déjà, j'ai regardé le programme de mardi soir, c'est de la routine. Non, mais ouais, de toute façon, oui, je m'en souviens. Oui, parce qu'on enregistre samedi soir. Demain. Oui, on enregistre samedi soir, ça sera demain, à mon avis, voilà. D'accord. Bon, après cette plongée dans les coulisses, rappelle les partenaires, je pense. Oui, alors si vous voulez rejoindre la Wrestling Evolution League, il suffit d'avoir WWE 13, ainsi sur PS3. PS3, voilà, donc moi non. PS3. Alors, il vous suffit de vous inscrire sur le site wrestling-evolution-league.com. Vous verrez, il y a du programme NXT. Si vous voulez plus d'informations, écoutez le dernier numéro de Sunday Night Wrestle, c'était le numéro 28. À peu près sur la dernière demi-heure, vous nous entendrez parler du concept de NXT si jamais vous voulez participer à ce programme-là de la WEL. D'ailleurs, si vous voulez écraser. C'est surtout réservé, pour les nouveaux, ce programme, donc on vous attend. Venez nombreux ici à la WEL. Voilà. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Bas qui était avec nous lors du dernier Sunday Night Wrestles. Alors, voilà, sur la page Facebook, donc c'est Wrestles Radio officiel. On remercie Voxcatch, bien sûr. Oui, Voxcatch, avec notamment Orbaz. Oui, Orbaz qui nous a rejoint ici, il me semble. Mais qui est bien KO encore, de son truc à Sven Garnalek. Donc. Oui, il est encore bien KO, il ne parlera pas. Et voilà, hein. Bah, les cahiers du catch, FN Lutte. Oui, FN Lutte, ouais, effectivement. Catch Addiction. Les cahiers du coach. Les cahiers du coach. Les cahiers du coach Corbis. J'ai déjà dit ça en plus. Mais Instant Catch, tout de même, géré par Vincent. À chaque fois. Et Instant Catch sur Dalimotion. Ouais, tu mérites un coup de fouet. Ou marteau, à la doc. Ou à la vie. Sinon, il y a aussi Twitter, Gus. Oui, Twitter, la Alvresos Radio. Alors, Renault, c'est Malenko06, Sébastien Eric, Aléoui67, Prousty, Finland, Vincent Wacho, je ne sais plus, je me rappelle. Wacho Vincent, c'est bien pour une fois que tu le disais bien. Wacho Vincent. Et moi, c'est Sparta-8 et Gus. Voilà. Et on peut dire aussi qu'on est disponible sur archive.org et iTunes. Et YouTube. Et YouTube, en effet. Et voilà, hein. Donc, il n'y a pas de raison de nous rater. Alors, Baz, ton micro, elle est relou. Oui, il vient de dire au revoir. Il dit au revoir, Baz. Donc, rendez-vous le mois prochain pour la TNA, ça sera un peu avant Noël. Hein. Oui. Avant le cadeau que tu aurais à avoir à Jeff Hardy. Oh là. Tant que c'est pas de la drogue. C'est pas vrai. Il revient toujours à ça, enfin bon. Allez. En toute objectivité en plus. Hein. Uh-huh. Allez messieurs, bon ben on va pouvoir se quitter. Hein. Allez, à ciao tout le monde. Salut. Ciao. Ciao.